a 100% francês, Express ET. Uma seleção de Ricardo de Matos. Sejam muito bem-vindos à emissão mais roqueira de sempre do 100% francês. São precisamente as guitarras elétricas e afins que mais se ouvem na próxima hora. É mais um 100% francês especial de verão que é dedicado até ao final do mês de agosto a um género musical diferente. Venha daí. 100% francês, Express ET. Rock. Téléphone, Un Autre Monde. 1984. 100% francês, Express ET. Rock. Libertignac, Days of 96. 1996. 100% francês, Express ET. Rock. Cox, je prends, je lâche. 2000. Yeah. 100% francês, Express ET. Rock. Dolly, Je ne paraissais sage. 1997. Meilleur ennemi. 100% francês, Express ET. Rock. Pierrick Lilieux, Besoin d'espace. 2005. J'ai pas choisi ma place, je sais pas où aller. Tout l'univers se glace autour de mes pieds. Mon avenir s'efface, décimé. C'est comme la peur de vivre. Tous ces gens qui se tassent de l'autre côté, à marcher dans leurs traces sans se retourner. Pour se voiler la face et crever. J'ai mal, mal en pleurer. J'ai besoin d'espace. Je me sens étouffé. Je suis sale, seul et décidé. J'ai besoin d'espace. Je peux plus respirer. Pas un jour qui se passe sans absurdité, où l'homme ne dépasse sa perversité. Je sens la menace arriver. J'ai presque peur de vivre. Et j'ai mal, mal à en crever. J'ai besoin d'espace. Je me sens étouffé. Je suis sale, seul et décidé. J'ai besoin d'espace. Je peux plus respirer. J'ai mal, mal. J'ai mal, mal, mal. Et j'ai mal, mal en crever. J'ai besoin d'espace. Je me sens étouffé. Je suis sale, seul et décidé. J'ai besoin d'espace. Je peux plus respirer. Et j'ai mal, mal en crever. J'ai besoin d'espace. Je me sens étouffé. Je suis sale, seul et décidé. J'ai besoin d'espace. Je peux plus respirer. A 100% francês, Express ET. Rock. Indochine, Drugstar. 1996. Partir trop. 100% francês, Express CT. Rock. De l'année, une musique tragique. 1998. Votre tête ne m'inspire pas confiance. Peut-être est-ce son indifférence. Mais votre tête ne m'inspire pas confiance. Non, entre nous, rien ne passera. Enfin, pas plus que ça. Je voudrais m'étendre un peu sur des méthodes incompatibles avec mon style. Ouvrant ma porte à l'inconnu, je me suis laissé submerger, attaché à un autre tranquille, une proie facile, un autre tranquille. N'inspire pas confiance. Peut-être est-ce son indifférence. Mais votre tête ne m'inspire pas confiance. Non, entre nous rien ne passera. Enfin, pas plus que ça. Pas plus que ça. Pas plus que ça. fr.blogspot.com 100% francês Express CT. Uma seleção de Ricardo de Matos. 100% francês Express CT. Rock. Charts a changer. 1997. On tourne en rond dans les cours de nos prisons. personne qui pose les questions. On tourne en rond. Périphérique et bouchon, circuit pour les champions. On tourne en rond. En cherchant dans les rayons et ces marchands d'illusions, on tourne en rond. Quelle que soit la foi dont on fait profession, il faut s'arrêter là et donner sa démission. Changer. Plus de chaleur, de frissons, on tourne en rond. Sans chaîne de télévision, pour une banale émotion, on tourne en rond. Sur nos platines, toujours la même chanson. Et dans nos poitrines, y'a quelque chose qui tourne pas rond. Changer. Centre francês, Express ET. Rock. Dunéa, Donegal. 2000. Je m'en 100% francês, Express ET. Rock. Axel Bauer, Mans-moi. 2001. Francês, Express ET. Rock. Daran et les chaises, Dormir dehors. 1993. Thank you. 100% francês, Express ET. Rock. Anso, Je ne pas être seul. 2009. Francês, Express ET. Rock. Axel Renoir e Alain Souchon, Sous les Chords des Garçons. 1998. Faire diligence pour pister les cowboys. Rencontre du troisième trans. Enfin être frivole. En toute innocence, renverser l'auréole, inverser les tendances, faire couler les gondoles. Libre, jamais masqué, enfin libre. Sable avec vue sur coquillage, à compter les tatouages et lancer l'abordage. Libre, jamais masqué, enfin libre de regarder. Libre de se pencher. Thank you. enfin libre de regarder, libre de se pencher, enfin libre partir casqué sous les chars des garçons. Garçon. 100% francês, Express ET. Rock. Eiffel, Te Revoir. 2001. Te revoir. 100% francês, Express-CT. Rock. Triste Cire, Rue de ses Désirs. 2008.